Chapitre 29e. La promenade à Anne. Resté seul, Sir Louis se sentit un peu intimidé et découragé, mais il ne renonça pas pour cela à son projet. Sa première pensée fut de se demander quels pouvaient être les motifs qui portaient le docteur à empêcher sa nièce d'épouser un baronnet jeune et riche. L'idée que cette opposition le concernait tout personnellement ne se présenta pas même à son esprit. Se pouvait-il que le docteur ne voulût pas que sa nièce fût plus riche, plus haut placée que lui, ou bien son tuteur désirait-il mettre obstacle à son mariage en vue de la réversion possible de sa fortune? Quoi qu'il en fût, Sir Louis était décidé à déjouer ses plans. Il savait bien, se disait-il, à quoi s'en tenir sur l'ambition des jeunes filles. Les baronnets ne foisonnaient pas comme la mauvaise graine, et tout en faisant ses raisonnements philosophiques, il résolut de faire sa déclaration à Miss Thorne. Il choisit à cet effet l'heure qui précédait le dîner, mais il arriva que, le jour même de sa conversation avec le docteur, il en fut empêché par la visite d'un étranger. Pour bien faire comprendre cette visite, il est nécessaire de retourner un moment à Greshamsbury. Lorsque Frank revint passer les vacances d'été à la maison, il ne tarda pas à s'apercevoir que Marie avait de nouveau disparu. Son absence contribua plus à accroître son amour que ne l'eût probablement fait sa présence. De plus, Lady Arabella avait trouvé un ennemi acharné, là où elle avait espéré autrefois trouver son plus puissant allié. Frank correspondait régulièrement avec Miss Dunstable, qui lui recommandait sans cesse en termes énergiques et chaleureux de rester fidèle à Mary. Il y était parfaitement décidé. Aussi, lorsqu'il découvrit qu'elle avait pris la fuite, résolut-il de se mettre à sa poursuite. Il ne prit cependant cette détermination qu'après y avoir été poussé en quelque sorte par les paroles mordantes et les remarques ironiques de sa mère. Pour Lady Arabella, ce n'était pas assez d'avoir éloigné Mary et d'avoir empoisonné la vie du docteur Thorne. Il ne lui suffisait pas d'obséder son mari en lui répétant constamment que Frank devait épouser une femme riche, ni de tourmenter la pauvre Béatrice en lui parlant à tout propos des défauts de son ami. Le serpent n'était que blessé. Pour le tuer, il s'agissait d'amener Frank à renoncer à Mary Thorne. Elle l'essaya bien, mais ses efforts furent inutiles. « Ma mère, » dit enfin le jeune homme en rougissant tout à la fois de honte et d'indignation, « puisque vous insistez là-dessus, je dois vous avouer franchement que je suis décidé à épouser Mary tôt ou tard si... « Oh, Frank, bonté divine, méchant enfant, vous ne dites cela que pour me pousser au désespoir. » « Si, » continua Frank sans faire attention à l'exclamation de sa mère, « si elle y consent. »« Si elle y consent ?» répéta Lady Arabella. « Au ciel !» Et se laissant tomber sur le sofa, elle cacha son visage dans son mouchoir. « Oui, ma mère, si elle y consent. » Et maintenant que je vous ai dit cela, il est bon d'ajouter que jusqu'ici je n'ai pas eu lieu d'espérer qu'elle y consente. « Oh, Frank, cette fille est bien adroite !» dit Lady Arabella en oubliant toute prudence. « Non, ma mère, vous lui faites cruellement tort. »« Méchant enfant, vous m'appelez cruel. » »« Je ne vous appelle pas cruel, mais je dis que vous lui faites cruellement tort. » Lorsque je lui ai parlé de mon amour, car je lui en ai parlé, elle s'est conduite comme vous auriez pu le désirer vous-même, mais nullement comme je le désirais moi. Vous l'avez chassée d'ici. » Frank commençait à s'animer, et elle n'a rien fait pour le mériter. Si quelqu'un a eu tort, c'est moi, mais il est bon de nous entendre. Mon intention est de l'épouser, si je le puis. » En disant ces mots, qui certes n'étaient pas prononcés avec tout le respect filial voulu, Frank se dirigea vers la porte. « Frank !» s'écria sa mère en se levant vivement. « Vous voulez donc me voir mourir de chagrin ?»« Vous savez parfaitement, ma mère, que je voudrais pouvoir vous rendre heureuse, si cela m'était possible. Si vous voulez me rendre heureuse, si vous ne voulez pas que je meure le cœur brisé, « vous renoncerez à ce malheureux projet. » Et réunissant toute son énergie, Lady Arabella ajouta, « Frank, il n'y a qu'une planche de salut pour vous, il faut que vous épousiez de l'argent. » Et Lady Arabella se tint debout devant son fils comme aurait pu se tenir Lady Macbeth, si elle eût assez vécu pour avoir un fils de l'âge de Frank. « Miss Dunstable, je suppose, » dit Frank avec dédain. « Non, ma mère. » On m'a déjà fait jouer le rôle d'un sot personnage et l'on ne m'y reprendra plus. J'ai l'argent en horreur. Frank, j'abomine l'argent. Mais la propriété, Frank, je la déteste, ou plutôt je finirai par la détester s'il faut la racheter à ce prix. D'ailleurs, elle appartient à mon père. Oh non, Frank, Elle lui appartient, selon moi. Il est libre d'en faire ce que bon lui semble. Jamais je ne lui ferai le plus petit reproche. Je suis prêt à embrasser une profession. Je serai avocat, médecin, ingénieur, peu m'importe. » Dans son enthousiasme, Franck oubliait probablement quelques-unes des difficultés préliminaires. « Ou bien je ferai valoir une ferme et je gagnerai ma vie de cette manière, mais je vous en conjure, ma mère ne me parlait plus d'épouser de l'argent. » En disant ces mots, il sortit. Franck, on s'en souvient, avait 21 ans lorsque nous l'avons présenté pour la première fois à nos lecteurs. Il en avait maintenant 22, et une année à cette époque de la vie amène souvent de grands changements. Mais chez lui, ces changements se faisaient plutôt remarquer dans ses sentiments que dans son caractère. En quittant sa mère, il se rendit tout droit aux écuries et fit seller son cheval noir. Son intention était de se rendre à Boxall Hill. En rentrant à la maison pour prendre sa cravache et ses gants, il rencontra Béatrice dans le corridor. « Béatrice, entrez ici un instant. » Il le suivit dans sa chambre. « Je ne puis plus supporter tout cela, » dit-il. « Je vais de ce pas à Boxall Hill. » « Oh, Franck, comment pouvez-vous être si imprudent ?» Vous, du moins, vous avez de bons sentiments pour Mary. Je crois que vous l'aimez, et c'est pour cela que je vous en parle. Avez-vous quelques messages pour elle? Oh oui, faites-lui mes plus tendres amitiés, c'est-à-dire si vous la voyez. Mais Franck, vous êtes bien inconsidéré, elle en sera elle-même vivement contrariée. N'en parlez à personne, du moins pour le moment. Ce n'est pas que je veuille en faire un secret, je dirai tout à mon père, et je pars. Et sans faire plus attention aux remontrances de Béatrice, Franck descendit l'escalier et fut bientôt à cheval. Il prit la route de Boxall Hill, mais non d'un pas rapide, comme l'eût fait un amant heureux. Par moments même, il semblait hésiter, et se demandait s'il ne ferait pas mieux de retourner sur ses pas. Non par un motif de prudence ou par crainte pour sa mère, non parce que la leçon qu'on lui avait répétée 1000 fois commençait à produire quelque effet sur lui, mais bien parce qu'il n'était pas tout à fait rassuré sur l'accueil que lui ferait Mary. Il réfléchit, il est vrai, à son avenir. Il avait parlé pompeusement à sa mère de son aversion pour l'argent et pour la propriété. La ténacité de sa mère à ce sujet exigeait peut-être qu'on lui opposât quelques répliques éloquentes. Mais il n'avait en réalité aucune aversion pour le domaine de Greshamsbury, et il était loin de haïr la position de gentilhomme propriétaire. Cependant, l'éloquence de Miss Dunstable lui tintait aux oreilles, car Miss Dunstable avait une éloquence toute particulière, même dans ses lettres. « Ne vous laissez jamais aller oublier vos bons et honnêtes sentiments, » lui disait-elle. « Greshamsbury, j'en suis sûr, est un charmant séjour, mais ces beaux jardins ne valent pas à beaucoup près les battements de votre cœur. Voilà votre véritable propriété, votre bien à vous et à une autre. Que le reste passe aux mains des usuriers, mais gardez au moins cela. Ne vendez jamais vos affections, monsieur Gresham. » « Non, se dit-il résolument en mettant son cheval au trot, je ne vendrai pas mes affections, ils feront ce qu'ils voudront du domaine, mais mon cœur est à moi. » Et tout en se disant cela presque à haute voix, il tourna rapidement un angle de la route et se trouva face à face avec le docteur. « Oh là, docteur, est-ce vous ? » dit-il passablement contrarié. « Comment, c'est vous, Franck ? Je ne m'attendais pas à vous voir ici, » dit le docteur non moins contrarié. Il n'était qu'à 1 mille tout au plus de Boxall Hill. Le docteur ne pouvait donc se méprendre sur le but de la promenade du jeune squire. Il s'était souvent vu depuis le retour de Franck soit dans le village, soit chez le docteur, mais jamais il n'avait fait allusion à Mary. C'était le seul sujet sur lequel, malgré leur mutuelle affection, il n'avait pas le courage de parler à cœur ouvert. « Oui, dit Franck, je vais chez Lady Scatcherd. Trouverai-je ces dames à la maison ? » Lady Scatcherd y est. « Sir Louis aussi, mais il est malade, et vous ne désirez peut-être pas le voir. »« Cela m'est bien égal, » dit Franck en essayant de sourire. « Je suppose qu'il ne me mangera pas. » Le docteur aurait bien voulu prier Franck de revenir sur ses pas et de ne pas aller commettre quelque nouvelle imprudence qui donna lieu à de plus graves malentendus entre lui et le squire. Mais il ne pouvait se décider à accuser le jeune homme d'aimer sa nièce. Ils se séparèrent donc après avoir échangé quelques paroles banales, et chacun d'eux continua sa route. Chemin faisant, le docteur se surprit à établir une comparaison entre Frank Gresham et Sir Louis Scatcherd, comme celle qu'Hamlet fait entre le roi mort et le roi vivant. C'était opposer Hyperion à un satyre. N'était-il pas aussi impossible à Mary de ne pas aimer l'un que d'aimer l'autre? Il n'était que trop vrai que Mary n'était pas insensible. Elle ne l'avait jamais été depuis le jour où Frank lui avait fait presque en plaisantant l'aveu de son amour. Longtemps avant que Frank lui parlait de cet amour, Mary l'avait lu dans ses regards, et son cœur y avait répondu presque à son insu. Lorsqu'elle l'avait vu redoubler d'attention auprès de Patience Auriel, une larme était venue, en dépit d'elle-même, lui obscurcir la vue. Mais lorsqu'il avait pressé chaleureusement la main qu'elle ne lui tendait qu'en signe de bonne amitié, son cœur lui avait pardonné son infidélité avant même que sa bouche eût proféré un reproche. Lorsqu'elle avait entendu parler des projets de mariage entre Frank et Miss Dunstable, et qu'elle avait appris que cette dernière possédait une grande fortune, elle avait pleuré dans la solitude de sa chambre. Elle avait pleuré, s'était-elle dit, parce que Frank avait des sentiments mercenaires, mais pleurer aurait-elle dû se dire parce qu'il lui était infidèle. Enfin, lorsqu'elle avait appris que le bruit était mal fondé, lorsqu'elle s'était vue bannie de Greshamsbury à cause de lui et obligée de s'éloigner avec Patience Auriel, oh, comment alors aurait-elle pu ne pas aimer Frank, puisqu'il n'avait pas des sentiments mercenaires et qu'il lui était fidèle? Oui, Mary l'aimait. Elle l'aimait de toutes les forces de son âme, et dans ses longues promenades solitaires, elle commençait à s'avouer la vérité. « S'il vous plaît, milady, voilà le jeune squire Gresham, » dit un des domestiques rustiques de Boxall Hill en ouvrant la porte de la petite salle basse où Lady Scatcherd se tenait habituellement et où la digne femme s'amusait en ce moment à plier et à replier du linge de ménage uniquement pour se donner de l'occupation. Lady Scatcherd, qui tenait une grande couverture dans ses bras, tourna la tête et aperçut Frank qui était déjà entré. Elle rejeta la couverture et Frank se trouva bientôt dans la position que cet utile article de ménage venait d'occuper. « Oh, Master Frank, Master Frank !» s'écria Lady Scatcherd dans un accès de joie spasmodique, et elle l'étreignit et l'embrassa comme elle n'avait jamais étreint et embrassé son propre fils depuis qu'il avait quitté le toit paternel. Frank supporta patiemment ses caresses et tout en riant de bon cœur. « Mais que va-t-on dire, Lady Scatcherd ? Vous oubliez que je suis un homme, maintenant. » Et il baissa la tête pour qu'elle pût de nouveau l'embrasser au front. « Je me soucie fort peu de ce qu'on dira, » s'écria Lady Scatcherd, tout entière au souvenir d'autrefois. « Je veux embrasser mon enfant, moi, et je l'embrasserai. Ah, Master Frank, que c'est bien à vous d'être venu me voir. Votre vue réjouit mes pauvres yeux. J'ai bien souffert depuis que je vous ai vu. » Et elle essuya une larme avec son tablier. « Oui, » dit Frank en essayant mais en vain de se dégager. « Vous avez fait une perte douloureuse, Lady Scatcherd. J'ai pris une part bien vive à votre affliction. Vous avez toujours eu un excellent cœur, Master Frank. Que Dieu vous bénisse. Mais comme vous êtes devenu bel homme, dire que vous avez 22 ans, et il me semble qu'il n'y a que quelques jours de cela. » Et elle s'éloigna de lui pour l'examiner plus à son aise. « Eh bien, dit-il, êtes-vous satisfaite ? Je pensais que vous me reconnaîtriez à peine avec mes favoris. » Vous reconnaître? Je vous reconnaîtrais si je ne voyais que votre talon. Quelle épaisse chevelure vous avez! Est-elle noire? Mais vos cheveux ne frisent plus comme autrefois. » Et elle passa sa main dans ses cheveux et le caressa, tout en le regardant avec des yeux brillants de tendresse. « Vous allez penser que je suis une vieille folle, Master Frank, mais vous pouvez penser tout ce que vous voudrez. Si je vivais encore 20 ans, vous seriez toujours mon enfant. » Frank réussit, non sans peine, à donner un autre tour à la conversation et à amener Lady Scatcherd à parler d'autre chose que de ses perfections enfantines. En parlant de sa jeune hôtesse, il affecta une indifférence qui n'eût trompé personne, mais la bonne Lady Scatcherd s'y laissa prendre. Il lui demanda enfin où était Mary. « Elle vient de sortir avec son âne. Elle doit être quelque part dans le parc. Elle fait une promenade à âne presque tous les jours. Mais vous dînerez avec nous, n'est-ce pas, Master Frank ?» Frank s'excusa. Il ne voulait pas s'engager à dîner en compagnie de Mary avant de savoir comment les choses se passeraient. Il dit donc qu'il allait essayer de trouver Miss Thorne et qu'avant de partir, il reviendrait prendre congé de Lady Scatcherd. Elle excusa alors son fils auprès de Frank. Il était très souffrant, dit-elle. Le docteur Thorne avait passé toute la matinée avec lui et il n'était pas encore sorti de sa chambre. Frank accepta très volontiers ses excuses et se dirigea vers la pelouse. Un jardinier auquel il s'adressa lui offrit d'aller avec lui à la recherche de Miss Thorne. Mais il refusa et se dirigea seul du côté où cet homme lui dit que Mary avait coutume de se promener. En effet, Au bout de 20 minutes environ, il aperçut à travers les arbres les jambes de l'âne qui venait de son côté. Il s'arrêta et attendit. Mary sortit bientôt du milieu des arbres et se trouva tout à coup devant lui. Son cœur bondit, mais elle réussit assez bien à réprimer tout signe visible d'émotion. Elle ne se laissa pas choir de son âne, elle ne cria ni ne fondit en larmes, elle prononça simplement ces mots « Monsieur Gresham », d'un ton de surprise assez naturel. « Oui, » dit-il en s'efforçant de sourire, « Monsieur Gresham, je suis enfin venu vous présenter mes respects. Vous avez même dû me trouver bien impoli de ne pas l'avoir fait plus tôt. » Elle le nia. Elle ne l'avait nullement trouvé impoli, dit-elle. Étant venue exprès à Boxall Hill pour s'éloigner de Greshamsbury, elle n'avait pu s'attendre à une semblable politesse de sa part. En disant ces mots, elle se prit à rougir d'avoir laissé échapper brusquement la vérité, mais prise au dépourvu, elle n'avait pu dire que la vérité toute pure. « Pour vous éloigner de Greshamsbury ?» dit Frank. « Et pourquoi seriez-vous obligé de vous en éloigner ?»« Il y a des raisons, » dit-elle en riant. « Peut-être me suis-je querellé avec mon oncle ?» Frank n'était nullement en train de plaisanter, n'ayant pour le moment aucune parole banale à sa disposition. Il continuait à marcher en silence à côté de Mary. « J'espère que tous mes amis de Greshamsbury se portent bien, » dit-elle. « Comment va Béatrice ?»« Très bien. » « Et Patience ?»« Qui, Miss Auriel ? Je crois qu'elle va bien. Je ne l'ai pas vue depuis quelques jours. » Pourquoi Mary éprouva-t-elle un sentiment de joie intérieure en entendant Frank parler avec indifférence de la santé de Miss Auriel ? Je croyais que vous aviez pour elle une affection toute particulière. Pour qui ? Pour Miss Auriel ? Oui, c'est vrai, je l'aime beaucoup, Béatrice aussi. Puis il fit quelques pas en silence et tâcha de recueillir tout son courage pour la grande attaque qu'il méditait. « Mary, » dit-il tout à coup en posant sa main sur le cou de l'âne, et en regardant tendrement la jeune fille. Son regard était tendre et l'oreille de Mary l'avertit aussitôt que sa voix avait un accent plus doux et plus caressant que d'habitude. « Mary, vous souvenez-vous de la dernière fois que nous nous sommes vus ?» Elle s'en souvenait bien. C'était le jour où, devenu libre de par la loi, il lui avait traîtreusement pris la main et outragé tous les sentiments des deux Courcy en lui déclarant son amour devant Augusta. Mary s'en souvenait parfaitement, mais il lui était difficile d'en parler. « C'était, je crois, à l'anniversaire de votre naissance, » dit-elle. « Oui, et vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit ce jour-là ?»« Je me rappelle que vous avez dit des folies, monsieur Gresham. »« Mary, je suis venue tout exprès pour vous les répéter, si toutefois ce sont des folies. Je vous ai dit alors que je vous aimais. Je vous l'ai dit gauchement, sans doute, comme un grand niais. Peut-être même vous paraîtrai-je aussi gauche aujourd'hui. Mais vous devriez au moins me croire, puisqu'une année... n'amenait aucun changement dans mes sentiments. » Mary ne le trouvait nullement gauche, et elle ajoutait foi à ses paroles, mais elle n'avait encore pris aucun parti sur la réponse qu'elle devait lui faire s'il persistait dans sa résolution. Elle s'était contentée de s'éloigner de lui, mais elle ne l'avait fait que pour qu'on ne l'accusât pas d'avoir agi sans indélicatesse en se mettant en avant. Elle l'avait repoussé lorsqu'il lui avait parlé d'amour parce qu'elle avait pris ses paroles pour un jeu d'enfant. Elle s'était conformée à la doctrine des Gresham, mais existait-il réellement une bonne raison, un motif sérieux qui l'empêcha d'être la femme de Frank Gresham, quoiqu'il dût être un jour Francis Newbold Gresham de Greshamsbury? Mary avait tour à tour donné tort ou raison à Frank et à sa noble famille, à son propre cœur et à sa raison. Dans ses longues promenades solitaires sous les arbres de Boxall Hill, tantôt elle pensait au Squire, et alors elle prenait la résolution de rejeter Frank. Tantôt à Lady Arabella, il se décidait à accepter la main du jeune homme. Elle était dans une de ces incertitudes rêveuses quand Frank lui apparut tout à coup pour lui renouveler l'assurance de son amour, et faute de savoir que lui répondre, il lui arriva ce qui arrive à tant d'autres jeunes filles dans les mêmes circonstances, elle abandonna tout au hasard. « Vous devriez au moins me croire, » lui dit Frank, « puisqu'une année n'a amené aucun changement dans mes sentiments. » « Une année aurait dû vous apprendre à être plus sage, » lui dit-elle. « Vous devriez maintenant savoir, monsieur Gresham, que votre destinée ne peut rien avoir de commun avec la mienne. Nos positions sociales sont tout à fait différentes. Votre père et votre mère approuveraient-ils la démarche que vous faites aujourd'hui ?» En prononçant ces paroles que lui dictait la raison, Mary en sentit toute l'inutilité. Elle se dit aussi qu'elle manquait d'une certaine franchise, puisqu'elle ne partait pas de son cœur. D'ailleurs, Frank ne les avait pas mérités, et elle ne put s'empêcher de rougir de sa dureté. « J'espère que mon père m'approuvera, » répondit Frank. « Quant à la désapprobation de ma mère, c'est un malheur auquel je ne puis remédier. Mais sous ce rapport, je n'ai à prendre conseil que de moi-même. C'est une affaire qui m'est toute personnelle. Mary, si vous me dites que vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas m'aimer, je partirai, non seulement d'ici, mais de Grahamsbury. Ma présence ne doit pas vous éloigner de tout ce qui vous est cher. Si vous pouvez me dire en toute conscience que je ne vous suis rien, que je ne puis rien vous être, je dirai à ma mère qu'elle peut se tranquilliser. Je m'en irai n'importe où et je supporterai mon malheur comme je le pourrais, mais... » Il s'arrêta à ce mot « mais ». Tout était compris dans ce « mais ». Il lui avait dit ce qu'il ferait s'il l'assurait qu'elle ne pouvait l'aimer. Mais si, au contraire, elle convenait que ça lui était possible, il était prêt à tenir tête à son père et à sa mère et à vaincre courageusement tous les obstacles. Ah, s'il eût été possible à Mary de lui dire toute la vérité, elle la lui aurait dite d'une manière qui lui étonnait. Mais placée comme elle l'était, elle trouva plus facile de se taire. Elle se mordit les lèvres pour ne pas éclater en sanglots. Elle essaya, mais en vain, de ne pas trembler. Il lui semblait qu'elle allait tomber de sa monture. Elle lui donnait tout au monde pour se sentir sur ses propres pieds. « Si jeunesse savait !» Ce malin proverbe dit tant de choses. Si Frank avait eu un peu plus d'expérience du cœur féminin, s'il avait eu 42 ans au lieu de 22, il aurait tout de suite été sûr de son fait. Le silence de Mary lui eût appris tout ce qu'il désirait savoir. Il est vrai que s'il avait eu 42 ans au lieu de 22, il est probable qu'il n'eût pas risqué si facilement les terres de Grahamsbury pour un sourire de Miss Thorne. « Si vous ne pouvez pas me dire un mot qui me rende quelque espoir, je partirai. » lui dit-il tristement. « J'étais décidé à avoir une explication avec vous. Je suis venu exprès pour cela. J'ai dit à Lady Scatcherd que je ne pouvais pas rester même pour le dîner. « Je ne savais pas que vous fussiez si pressé. » lui dit-elle d'une voix à peine intelligible. Frank s'arrêta tout à coup et, tirant la bride de l'âne, il le força à s'arrêter aussi. La pauvre bête n'exigeait pas de grands efforts pour rester parfaitement immobile. Elle y mit même beaucoup de complaisance. « Mary, Mary !» dit Frank en jetant ses bras autour des genoux de la jeune fille et en appuyant son visage contre elle. « Mary, vous avez toujours été vraie. Soyez-le comme toujours. Je vous aime. Voulez-vous être ma femme ?» Mary ne répondit pas. Elle ne songeait pas à se mordre les lèvres. Elle réunissait maintenant tous ses efforts pour empêcher ses larmes de tomber sur le visage de Frank. Il lui était aussi impossible de l'encourager que de l'éloigner. Elle ne pouvait que trembler et pleurer tout en souhaitant de se sentir ferme sur ses pieds. Quant à Frank, l'âne le servait à merveille. La position de Mary lui permettait de s'approcher un peu plus d'elle qu'il n'eût probablement osé le faire s'ils eussent été tous deux sur leurs pieds. Quant à l'âne lui-même, il était parfaitement satisfait et avait l'air d'approuver tout ce qui se passait derrière ses oreilles. « J'ai droit à un mot de votre part, Mary. Dites-moi, partez et je partirai. » Mais Mary ne dit pas « partez ». Peut-être l'eût-elle dit si elle s'en fût senti le courage. Mais faute d'avoir pris une résolution sur ce qu'elle avait à faire, elle se trouva réduite au silence. « Un mot, Mary, un seul mot. Tenez, si vous ne voulez pas parler... « Voici ma main. Si vous l'acceptez, laissez-la dans la vôtre. Sinon, repoussez-la. » En disant ces mots, il réussit à glisser ses doigts dans la main de Mary et ils y restèrent sans être repoussés. À dire vrai, Mary n'avait pas la force de repousser la main de Frank. « Mon amour, ma bien-aimée, » dit Frank en prenant son silence pour un consentement, « ma vie, ma Mary adorée. » Et il réussit à saisir la main de Mary et à la porter à ses lèvres avant que la jeune fille puisse s'en défendre. « Regardez-moi, Mary. Dites-moi un mot, un seul mot. » Elle poussa un long soupir. « Oh, Frank !» dit-elle. « Monsieur Grahame, j'espère que j'ai le plaisir de vous voir en bonne santé, » dit une voix derrière Frank. « Vous êtes le bienvenu à Boxall Hill. » Frank se tourna et se trouva en présence de Sir Louis qui lui tendait la main. Il ne vit pas comment Mary réussit à cacher sa confusion. Il avait assez à faire pour dissimuler la sienne. Il s'éloigna d'elle involontairement et se mit à causer avec le baronnet. Celui-ci n'eut pas l'air de faire attention à Miss Thorne, mais il se dirigea vers la maison d'un air d'assez mauvaise humeur, en faisant toutefois tous ses efforts pour jouer le gentleman. Mary, heureuse de se retrouver seule, se raffermit sur son âne, et l'âne, tant par amour pour la société que par amour pour son écurie, se mit à suivre ces messieurs. Frank ne resta que quelques minutes dans la maison. Il embrassa Lady Scatcherd, qui lui rendit sa caresse avec usure, au grand scandale de Sir Louis. Il donna froidement la main au baronnet et serra en passant celle de Mary. Mais il ne lut rien moins que de l'indifférence dans le dernier regard qu'elle lui jeta, et il retourna heureux chez lui.